vas parler, j'ai pas écouté. Des meufs comme toi, j'en ai dégoûté. Tu vas m'aimer, tu vas t'étouffer. Mais elle a quelque chose de spécial. Un sac à spécimen, toi faut pas se faire avoir. Par le chant des sirènes, garde le silence si tu m'accuses, on règle ça. Des messages de Clara ou des messages de Nami. Moi d'avion, tu veux décoller avec moi en tournée. Tu veux que je parle de toi dans mes couplets. Champagne dans la suite à Cannes, c'est moi celui qui t'appelle. Tu veux pas devenir madame, toi tu veux rester ma belle. Que t'as peur de ce qui peut se passer. Comme un attaquant qui sait plus se placer. Je pense à elle quand je suis sur place. Bouillon comme la dernière fois que je l'ai cassé. C'est une bombe, un attentat. Elle me recule, trop clean. Moi, toi ne m'entends pas. C'est bijou brillant. Elle veut qu'on aille se balader, barbé ou s'attroper. Copine envoie ton snap, chat t'inquiète, on parle après. Donne-moi ton numéro, donne-moi ton snap. Tu me donnes le go, t'inquiète, on se capte. Tu me donnes le go, on s'attrape direct.